L'assassinat du pont rouge. Livre audio gratuit. Un roman de Charles Barbara, lu par Ramina Grobis pour le compte de audiocité.net. Sous licence creative.commode.org.